Qu'est-ce qu'il y a de plus normal? Pourtant, très souvent, on me traite de pédale, on me reproche simplement mon orientation sexuelle, m'accusant de ne pas être attiré par une demoiselle. On voudrait que je ressemble à monsieur tout le monde, hétérosexuel, marié à une jolie blonde. Ils ont peur d'avouer que je suis heureux, leur jalousie les ronge lentement à petit feu. Moi je suis légèrement basané, mais ça suffit largement pour que je sois rejeté. La plupart des personnes que je croise me préjugent, pour eux je suis quelqu'un qui provoque des déluges. J'essaye de vivre normalement, mais c'est difficile dans ces circonstances. Ma vie est pareille qu'un exil, les gens peuvent m'enlever mes droits, ma liberté, sauf qu'ils n'auront jamais un soupçon de ma dignité. Je suis tout simplement ce que je suis, malgré les obstacles, mon chemin, je le suis. Les gens me freinent, ils tentent de me ralentir, mais ils perdent leur temps, je pourrais toujours m'en sortir. Moi je suis tout simplement ce que je suis, malgré les obstacles, mon chemin, je le suis. Les gens me freinent, ils tentent de me ralentir, mais ils perdent leur temps, je pourrais toujours m'en sortir. Moi je suis un handicapé depuis que je suis né, je n'ai jamais pu marcher, il fait très beau dehors, mais je n'ose pas sortir, le refrain je le connais. En me voyant les gens vont rire, le respect n'existe plus, on dirait que c'est démodé. Beaucoup trop de choses sont devenues débilités, j'aimerais qu'un jour les gens commencent à aider autrui. Pour l'instant je suis dans mon coin, victime de moqueries. Moi je suis une jeune femme, quelque peu rondelette, je cherche un travail, mais sans arrêt on me rejette. Les employeurs inventent des excuses banales, mais bon je suis pas dupe, ils m'estiment incapable. D'après eux je ne peux pas faire le travail d'un homme, pourtant j'ai réussi à obtenir grand nombre de diplômes. Je viens de me rendre compte que j'ai perdu des années dans ce monde honteux, synonyme de méchanceté. Moi je suis tout simplement ce que je suis, malgré les obstacles, mon chemin je le suis. Les gens me freinent, ils tentent de me ralentir, mais ils perdent leur temps, je pourrais toujours m'en sortir. Moi je suis tout simplement ce que je suis, malgré les obstacles, mon chemin je le suis. Les gens me freinent, ils tentent de me ralentir, mais ils perdent leur temps, je pourrais toujours m'en sortir. Moi je suis un être humain dans lequel on cherche des différences. C'est vrai que les hommes sont égaux, mais seulement à la naissance. On m'empêche de vivre à fond tout au long de mon existence, tout ça juste à cause de quelconque croyance. Ils perdent leur temps avec tous leurs préjugés, leur point de vue égoïste les empêche d'avancer. Je rêve de rencontrer le bon samaritain, lui-même rêverait rendre service à son prochain. Moi je suis un être humain en quête de paix, depuis longtemps j'attends le déclic et je l'espère va tout changer. Laisse-moi rêver encore un petit peu, un jour j'en suis certain, nous serons tous heureux. Tout ceci ne restera que de l'histoire ancienne, en y repensant on rigolera tellement ça faisait peine. Je vois une faible lumière au bout du tunnel, mes espoirs soyez-en sûrs, ils seront éternels. Simplement ce que je suis, malgré les obstacles, mon chemin je le suis. Les gens me freinent, ils tentent de me ralentir, mais ils perdent leur temps, je pourrais toujours m'en sortir. Moi je suis tout simplement ce que je suis, malgré les obstacles, mon chemin je le suis. Les gens me freinent, ils tentent de me ralentir, mais ils perdent leur temps, je pourrais toujours m'en sortir.